بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى continue dans le fiqh sur le kitab منهج السالكين الشيخ سعدي رحمه الله تعالى. Et on avait terminé la dernière fois le مقدمة du شيخ رحمه الله تعالى lorsqu'il parle, comme on avait cité précédemment, de son منهج dans le kitab. C'est-à-dire que c'était un mukhtasar pour le mubtadin, pour les débutants, et pour que la personne l'apprenne par cœur et qu'il le comprenne. Et l'avantage dans ces kutubs-là, c'est que c'est des kutubs qui sont légers, c'est-à-dire qu'il y a peu de mots, mais beaucoup de sens. Et que l'ibarat sahla, c'est-à-dire les phrases qu'il utilise, elles sont simples et elles sont compréhensibles par tous. Deuxième chose qu'on avait dit, c'est que le cheikh il a commencé par expliquer un peu qu'est-ce que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ceci est pris par les savants qui l'ont précédé, comme Imam Bukhari et Muslim, lorsqu'ils ont commencé leur livre, que ce soit Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, ils ont commencé par ce qui est en relation avec l'iman. Puis ils sont entrés dans les abouab de fiqh, tahara, salah, etc. Et Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a pris le chemin de ceux qui l'ont précédé, Rahimahullah Ta'ala. Donc il dit, le Cheikh Faslun, c'est-à-dire là, il commence un paragraphe. Ceux qui ont le kitab, ceux qui ont le livre, eh bien, il y a écrit kitab Tahara. Sahih ? Ceci n'est pas min sani' al-Cheikh. Ce n'est pas le Cheikh qui a mis kitab Tahara, en fait. Ceux qui ont mis kitab Tahara, c'est ceux qui font l'édition. C'est pas le shir. Le shir, il a mis faslun. Il a dit wa amma as-salatu falaha shurutun tataqaddamu 'alayha. Fa minha min ash-shurut at-taharatu. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allah salata bighayri tahur. Muttafaqun 'alayh. Donc il dit, Cheikh Rahimahullah Ta'ala, on va revenir sur Kitab Tahara, puisque dans tous les livres de fiqh, ça commence par Kitab Tahara. On va expliquer rapidement. Il dit, première partie, ou partie, Amma Salah, en ce qui concerne la prière, vous voyez que le Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il commence par expliquer la prière. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'il a expliqué dans l'introduction, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est la prière. Vous comprenez? Donc, il commence par la prière. Il dit, فَلَهَا شُرُوتٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا. Et il dit, cette prière, nous ne pouvons pas... C'est comme s'il voulait dire, nous n'allons pas expliquer la prière maintenant, car elle a des conditions qui la précèdent. Elle a des conditions qui la précèdent. فَمِنْهَا الطَّهَارَةُ. Parmi les conditions qui précèdent, la prière, c'est At-Tahara, la purification rituelle. Pourquoi il dit, pourquoi Al-Fuqaha en général et Cheikh Rahimahullah en particulier, ils commencent leur livre de fiqh par Kitab At-Tahara. Alors que le premier pilier après Shahadatayn, c'est la prière. C'est une question qui soulève ça. Parmi les réponses qu'ils ont données, les ulama en général, c'est que premièrement, At-Tahara, c'est une condition, une des plus importantes conditions pour la prière. Quelqu'un va dire, oui, mais il y a d'autres conditions. Pourquoi il cite At-Tahara en particulier? Deuxième réponse alors, c'est que At-Tahara, c'est une condition où il y a le plus de masail et de tafasil. C'est une adoration où il y a le plus de masail, de points, et où il y a le plus d'explications à avoir. C'est pour cela qu'il commence par Kitab al-Tahara. Troisième chose, c'est que At-Takhliya qabla At-Tahliya. C'est-à-dire At-Takhliya qabla At-Tahliya. C'est-à-dire que tu enlèves avant de mettre. Donc, il faut d'abord se purifier avant de faire la prière. Vous comprenez? Il faut At-Takhliya avant At-Tahliya. Donc, il faut d'abord se purifier. Avoir la purification pour pouvoir prier. Quatrième chose que citent les savants, c'est une ishara. Isharatun ila tathir النية والقلب عند بداية طلب العلم. C'est-à-dire, c'est comme s'il dit en même temps qu'il va parler de ce qui est en rapport avec les ablutions, etc. Eh bien, il te fait un rappel que la personne, lorsqu'elle va commencer le kitab qui est long, ça c'est le début, eh bien, il faut qu'il purifie son intention. Qu'il apprenne la science uniquement pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour dire qu'il a appris ou pour X raisons, mais il apprend uniquement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que tahara, c'est-à-dire la purification, dans la langue arabe, c'est al-nadafatu wa al-nazahatu min al-aqdar. C'est-à-dire, c'est le fait de se purifier de toutes les saletés. Dans la langue, ça veut dire ça. At-tahara veut dire le fait de se purifier de tout ce qui est impureté ou saleté, en général. Et il faut que vous savez aussi que les définitions linguistiques et les définitions religieuses ont généralement des points communs, mais que la définition religieuse est toujours plus particulière que la définition linguistique. Ou dit plutôt, la définition linguistique est plus générale que la définition religieuse. Ou des fois, la définition religieuse et linguistique sont les mêmes, sauf que la définition religieuse ramène des quyoud, en fait, des précisions, des choses qu'il faut. Donc, al-tahara fi shara, c'est-à-dire dans la législation islamique, elle est de deux catégories. La purification fi shara, c'est-à-dire dans la législation islamique, elle est de deux catégories. Taharatun ma'nawiyya wa taharatun hissiyya. C'est-à-dire une purification morale, on va dire. Ils disent comme ça en français, ma'nawiyya. Wa taharatun hissiyya, c'est-à-dire une purification palpable, qui est du corps. Amma taharatu al-ma'nawiyya, la purification morale, c'est le fait de purifier son cœur de toutes les maladies. تطهير القلب من الكفر والشرك والحسد والغي والبغض للمسلمين طبعا. Et de toutes ces choses-là, de purifier son cœur de ces maladies. Des maladies en général. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla ashara ila hadhihi at-tahara lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala إنما المشركون نجس. Allah dit dans le Coran, certes, les associateurs sont impurs. Certes, les associateurs sont impurs. C'est-à-dire, de quelle impureté parle-t-il, subhanahu wa ta'ala? Il parle de l'impureté de l'association qui est dans leur cœur et dans leur pratique. Il ne parle pas de leur corps qui est impur ou de leur physique qui est impur. Non, il parle de leur cœur qui est un cœur de mouchrik et de leurs actions qui sont du shirk. Ensuite, on verra la divergence qu'il y a entre les savants. Et il est rapporté dans le Sahihain d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Abu Huraira était en état d'impureté en janaba, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est caché pour pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il l'a vu. Alors le prophète lui a dit, lorsqu'il l'a revu, pourquoi t'es-tu caché à Bahir? Il lui a dit, je me suis caché puisque j'étais en état d'impureté et je voulais pas que tu me voyes comme ça. Alors le prophète Sassim l'a dit, innama al-mu'minu la yanjus. Le croyant n'est jamais impur. Dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens qu'il est jamais impur, c'est-à-dire qu'il prie tout le temps sans faire les ablutions? Non. C'est-à-dire que son cœur est pur d'association et de mécréance. Et c'est pour ça que la mécréance majeure, c'est pas un cours de tawhid, mais c'est toujours fait, il y a toujours des intérêts. La mécréance majeure et tawhid et l'iman, ils ne se réunissent pas dans le cœur d'une personne. Comme l'association majeure ne se réunit pas dans le cœur d'un croyant, avec la foi, s'il y a l'association majeure ou la mécréance majeure, eh bien, l'islam, il part. Et s'il y a l'islam, eh bien, l'association majeure et la mécréance majeure partent. Il ne peut pas y avoir les deux. Contrairement à la mécréance mineure et l'association mineure, elles peuvent être dans le même cœur, dans le cœur de la même personne. C'est-à-dire qu'un croyant peut faire une association mineure, comme par exemple de jurer par autre qu'Allah, sans bien sûr qu'il pense ou qu'il croive que cette personne ou cette chose par laquelle il jure est égale à Allah. فَإِذَا صَحَبَ الْحَلِفُ الْاِعْتِقَادِ كَفَرَ بِاللَّهِ. C'est un mouchrik aussi. Mais s'il le fait qu'avec sa bouche, alors à ce moment-là, il a fait une association mineure. Il reste toujours musulman. C'est un musulman. Mais il a diminué dans son unicité. Donc, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسِ. Le prophète Sassim a dit à Abu Huraira, sache que le croyant, il ne devient pas impur. Dans le sens où son cœur est pur par le tawhid et par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit qu'il y avait une divergence entre les savants sur le fait de dire est-ce que le kafir, c'est-à-dire le mécréant ou le mushrik, l'associateur, est impur, c'est-à-dire son corps est impur. Dans le sens où si par exemple tu serres la main à un kafir et qu'il y a مثلاً الرطوبة في يديه, c'est-à-dire qu'il a la sueur ou quoi, ou tu joues au foot avec un kafri, sa sueur est sur tes vêtements, est-ce que tes vêtements sont impurs? C'est ça que ça veut dire en fait. Vous comprenez? Donc, est-ce que le kafir est impur? بِعَيْنِهِ أَمْلَا فَوَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاء. Les savants, ils ont divergé sur cette question-là. Et la majorité des savants, ils ont dit que le kafir n'était pas impur. Mais il était impur dans son cœur, pas dans son corps. C'est-à-dire que si tu serres la main à un kafir et qu'il a les mains mouillées, مثلاً, ou il a de la sueur dans les bras et tu mets de la sueur, eh bien, t'es pas impur par ça. Et ça, c'est l'avis de la majorité. Et il y a un autre fariq, il y a une autre ta'ifa qui a dit que le kafir était najis bi'aynihi. C'est-à-dire que il était impur lui-même, yani, son corps. Ici est l'avis de l'imam Malik rahimahullah ta'ala et de Al-Zahiriya. C'est-à-dire qu'ils disent que cette personne-là est une impureté. Vous comprenez? Et si par exemple il a de la sueur dans ses mains et qu'il s'essuie ses mains sur ton kamis, eh bien ton kamis est impur. Mais ceci n'est pas l'avis le plus prépondérant chez Ahlul Ilm. Et eux, ils ont pris comme dalil ceux qui ont dit que le mécréant, était impur, ce qu'on vient de citer. Innama al-mushrikuna najas. Certes, les associateurs sont impurs. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-mu'minu la yanjus. Ou inna al-mu'mina la yanjus. Le croyant n'est pas impur. Donc nous comprenons par là que le mécréant est impur. Vous comprenez? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la croyance et non pas de la personne et de son corps et de son physique. D'où on tire ça? Parce que al-fiqh quand même, c'est une chose qu'il faut al-ilm ma qama alayhi dalil. Yani la science, c'est quelque chose où il y a une preuve. Donc la preuve, apparemment, c'est pour ça que toute personne qui a une preuve, ça ne veut pas dire qu'il a la vérité. Et ceci est une règle importante à connaître. Les gens aujourd'hui disent, ouais, j'ai un hadith. Mais est-ce que tu as bien compris le hadith? Est-ce que tu as bien compris la parole d'Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire, man yamliku dalilan, la yamliku sawaban, bittalazum. Ce n'est pas nécessairement vrai que la personne qui a une preuve est dans la vérité automatiquement. Il se peut que cette personne a une preuve, mais qu'il a compris la preuve à l'envers, ou qu'ils ne l'aient pas compris du tout. Donc les savants, ils ont répondu aux dalils qu'ils ont été cités, ils ont dit, la première chose, c'est que Allah Azza wa Jal a autorisé le fait de se marier avec des gens du livre. Et des gens du livre, il y a tifaq, bayna al-muslimin. J'ai dit bayna al-muslimin, que c'est des kuffars. Et que celui qui dit que ce n'est pas des kuffars, c'est un kafir. Et ceci, bi-tifaq, bi-ijma'. Il n'y a pas de khilaf. Donc, qu'est-ce que c'est ? Allah Azzawajal a autorisé le fait de se marier avec des juifs et des chrétiens. Donc, si elle est impure, comment on fait ? Yani, comment elle va faire la personne qui va se marier avec une juive ou avec une chrétienne ? Alors qu'elle est impure. Deuxième chose, c'est qu'il est rapporté aussi dans des recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé chez des juifs et des chrétiens. Et Omar aussi, radiyallahu ta'ala an. Et qu'ils ont mangé dans leur plat. S'ils étaient impurs, eh bien, ils n'auraient pas mangé dans leur plat, ils n'auraient pas mangé de leur nourriture, puisqu'ils sont impurs, aynan. Vous comprenez ? Donc c'est pour cela que on sait que Al-Kafir, il n'est pas impur dans son corps, mais il est impur dans son cœur. Et c'est rapporté par plus d'un savant de la Ummah. Donc, l'avis le plus prépondérant et le plus solide, c'est que le kafir n'est pas impur dans son corps, mais il est impur dans son cœur. La deuxième catégorie de purification, c'est celle-là. Donc, la première catégorie qu'on a parlé là, at-taharatul hissiya, al-ma'nawiya, pardon, morale, la purification morale, c'est tout ce qui est en rapport avec les livres de aqidah et de tawhid. C'est ce qui est en rapport avec les livres de aqidah et de tawhid. Ce n'est pas en rapport avec les livres de fiqh. La deuxième purification, qui est la purification du corps, eh bien celle-ci est en relation avec le sujet dans lequel nous parlons de la jurisprudence. Et la purification du corps, eh bien elle est composée de deux choses. Raf'ul hadath wa izalatul khabath. Raf'ul hadath wa izalatu al-khabath. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la purification du corps, elle est en relation avec deux choses. Elle est en relation avec raf'u al-hadath, qui est le fait de lever raf'u wasfin qa'imin bil badan yamna'u as-salat yamna'u min as-salati wa nahwiha. C'est-à-dire qu'il faut lever ce wasf, c'est-à-dire ce qualificatif qui t'empêche de faire la prière et tout ce qui a besoin de purification. C'est ça, raf'ul hadath. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, pour que vous compreniez, quelqu'un qui n'a pas ses ablutions, celui-là, il est considéré comme étant impur. Mais est-ce qu'il est impur quand on le voit ? Il n'est pas impur, il est propre, il est tout propre. C'est un wasf. C'est un wasf, c'est-à-dire c'est un qualificatif que nous donnons à une personne qui, et ce qualificatif-là l'empêche de faire la prière. فَهُوَ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْبَدَنِ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ الصَّلَاةِ. Il empêche la personne de faire la prière. Donc ce wasf-là, comment ce wasf-là, ce qualificatif s'en va ? Comment il s'en va ? Il s'en va par la purification, par les ablutions. Donc al-hadath, c'est-à-dire al-hadath, ce wasf qa'im, il peut être de deux catégories. Ce wasf qa'im, il peut être de deux catégories. C'est-à-dire ce qualificatif qui est en rapport avec la personne, il peut être de deux catégories. Soit il est hadathun sagir ou hadathun kabir. C'est simple. Soit ce qualificatif, eh bien c'est un qualificatif qui est en relation avec une chose qui est petite, c'est-à-dire yartafi'u bilwudu, c'est-à-dire que ce qualificatif va partir avec les ablutions, soit il est en rapport avec un hadath qui est kabir, c'est-à-dire qui est en rapport avec un gros qualificatif, et ceci, il se lève avec le rousse. Vous comprenez ? Donc, le hadath, naw'an. Naw'un kabir wa naw'un sagir. رفع الوصف القائم بالبدن يمنع من الصلاة يرتفع إما إذا كان الحدث صغيرا بالوضوء وإذا كان كبيرا بالغسل. سي واضح سا جبونس سي كلير. دونك الله عز وجل il dit pour nous pour qu'on puisse parler de الطهارة الحسية, c'est-à-dire de la purification du corps, il faut une preuve. Quelle est-elle? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah dit: lorsque vous voulez faire la prière, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage, puis les bras, ou plutôt les mains jusqu'au coude, puis essuyez-vous la tête, puis lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'aux chevilles. Donc ça c'est une preuve sur la purification qui est la purification du corps. Ça c'est ce qu'on a dit, raf'u al-hadath. Raf'u al-hadath. Mais il y a un autre côté dans At-Taharatul Hissiya, c'est Izalatul Khabath. Le fait d'enlever, de purifier le vêtement, de quoi? De purifier le vêtement de l'impureté. Ou de purifier le corps de l'impureté. Ou de purifier l'endroit. Ahsant. Ou de purifier le makan. C'est-à-dire qu'il y a trois choses à purifier: le corps, le vêtement et l'endroit. Et ces trois choses-là, ils sont en rapport avec Izalatul Khabath, c'est-à-dire le fait de purifier ou d'enlever, pardon, l'impureté. D'enlever l'impureté. Donc Izalatul Khabath, il y a plusieurs dalils. Il y a un dalil pour chaque, il y a un dalil pour chaque chose. Amma al-buq'a, al-buq'a, c'est-à-dire l'endroit ou le makan, le dalil du makan ou de l'buq'a ou de l'endroit, c'est le hadith qui est fait sahihain, qui est rapporté par Ibn Abbas, hadith al-A'rabi, le hadith du bédouin qui est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est parti dans un coin de la mosquée et qui a uriné. Alors, les compagnons, ils ont voulu le friter. Nous, on parle... Ils ont voulu le friter. Et le prophète Sassim les a empêchés. Ensuite, le prophète Sassim a dit, laissez-le jusqu'à ce qu'il termine. Lorsqu'il a terminé, le prophète Sassim a dit aux compagnons, allez verser de l'eau sur son urine. Yani, purifier, quoi? L'endroit. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de purifier l'endroit et il lui a appris, il lui a dit, écoute, les mosquées ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour invoquer Allah, faire la prière, etc. Alors quand tu veux faire ça, il ne faut pas faire ça dans la mosquée. Et la qissa, je pense, est connue par tous les frères. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce hadith? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de purifier l'endroit dans lequel avait uriné le prophète, le bédouin. Ça, c'est ce qui concerne quoi? Al-buq'a, al-makan, l'endroit où la personne, elle va prier. Deuxième chose, il y a le vêtement. Il y a le vêtement. Et le vêtement, quelle est la preuve du vêtement? Eh bien, la preuve du vêtement, c'est le hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, qui est rapporté par Abi Saïd al-Khudri. C'est le hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière un jour. Le hadith rapporté par Abu Daoud dans Sunan Abi Daoud d'après Abi Sa'id al-Khudri. C'est important de citer les endroits où il y a les hadiths pour que les frères ils essayent de les apprendre. Donc, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la prière. Il était l'imam. À un certain moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses claquettes. Il a enlevé ses claquettes qu'il avait aux pieds. Les compagnons, comme c'était des gens du suivi, ils obéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leurs claquettes pendant la prière. Et c'est pour ça que l'asl fi salat, c'est de prier dans les claquettes. Normalement, quand tu pries, les gens ils disent pourquoi quand on prie dehors par exemple et on garde nos chaussures, les gens ils disent pourquoi tu pries avec les chaussures. C'est ça la sunna. La sunna quand tu es dans un endroit où tu peux garder tes chaussures, c'est de prier avec tes chaussures. Ce n'est pas de les enlever. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière avec ses chaussures et les compagnons derrière lui, il les a enlevés le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Puis les compagnons derrière lui ont enlevé leurs chaussures, leurs claquettes. Par le suivi, puisqu'ils étaient attachés à la sunna, ils ont dit ça c'est une ibada, c'est le wahi. Alors lorsque la prière s'est terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les compagnons et leur a dit « Pourquoi vous avez enlevé vos claquettes ?» Ils ont dit « On t'a vu faire, ya Rasulallah. On t'a vu faire, on a fait comme toi. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moi, Jibril est venu m'informer qu'il y avait de l'impureté sur mes claquettes. » Donc il les a enlevées. Vous comprenez ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses claquettes pendant la prière car il y avait de l'impureté sur ses claquettes. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça, mes très chers frères, qu'il faut purifier quoi ? Par rapport à cette preuve-là, il faut purifier le vêtement. Donc la personne qui a une impureté sur son vêtement et qui sait que son vêtement est impur et qu'il prie avec son vêtement, on va le voir plus tard, eh bien sa prière est nulle. Troisième chose, c'est la purification de quoi ? Du corps. C'est la purification du corps. Et la purification du corps, eh bien, c'est connu par tous. Mais nous allons ramener quand même une preuve. Cette preuve-là est le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté dans les deux recueils authentiques aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes. Marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn. Il est passé devant deux tombes. Ensuite, il s'est tourné vers ses compagnons et il a dit innama innahuma yu'adhaban. Wa ma yu'adhaban fi kabir. Certes, ils sont en train de se faire châtier, mais ils ne se font pas châtier sur quelque chose de grand. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi. Il dit il y en a un parmi eux qui, lorsqu'il urinait, il en mettait partout sur lui. Et il ne faisait pas attention, c'est-à-dire il urinait, il en mettait partout, il se lavait, et après il allait prier comme ça. Peut-être comme ils font certains, yani. Eh bien celui-là, il se fait châtier dans sa tombe. Donc nous prenons de cette preuve-là que la personne, lorsqu'il se purifie, il doit purifier son corps. Lorsque yuzilu al-najasa, yuziluha min badani, wa thiyabihi wa makani. C'est-à-dire qu'il enlève l'impureté de son corps, de son habit et de l'endroit sur lequel il prie. Donc il a dit Cheikh rahimahullah Cheikh Saadi wa amma as-salatu falaha shurutun tataqaddamu 'alayha. Ash-shart, c'est-à-dire la condition, c'est une chose qui précède l'action. Donc il faut maintenant qu'on différencie entre la condition et le pilier. Le pilier, les deux, s'ils ne sont pas là, eh bien l'action, elle est caduque. C'est-à-dire que, là, je vous donne un exemple. La personne, il vient, il va prier sans ablution. Est-ce que sa prière, elle est bonne ? Sa prière, elle est nulle. Ça, cette personne-là a délaissé quoi ? Une condition. Une autre personne vient, elle a fait toutes les conditions, elle vient, elle se présente, Allahu Akbar, elle prie, mais elle ne fait pas soujoud. C'est-à-dire qu'il a la flemme, il ne veut pas descendre faire soujoud, il reste debout. Sa prière, elle est caduque ? Elle est caduque, puisqu'il a laissé un pilier. Quelle est la différence alors entre le pilier et la condition ? Le pilier, s'il n'y a pas, ta prière, elle est caduque. Les deux ! C'est pas ça. Je viens de dire que les deux, s'il n'y a pas, la prière, elle est caduque. Quelle est la différence entre les deux ? Avant et pendant. Hassan, c'est bien. C'est que la condition, elle précède l'action. La condition, elle précède l'action. Mais le pilier, il est dans l'action. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ash-shartu kharijul amal ou kharijul fi'l. Amma ar-rukn fa huwa dakhilul fi'l. Il est dans l'action. Alors que ash-shart, يتقدم. Il dit le Cheikh rahimahullah, فلها شروط تتقدم عليها. فالشرط يتقدم على إيش؟ على المشروط. La condition précède le conditionné. La condition précède le conditionné. Donc شرط عند العلماء c'est ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده العدم ولا الوجود لذاته. C'est-à-dire que الشرط chez les savants c'est si il n'est pas là, l'action n'est pas là. Si il est là, l'action peut être là comme ne pas être là. Vous comprenez? Car pourquoi? Car la personne, il peut ramener toutes les conditions comme on a cité précédemment, mais il ne ramène pas les piliers. Ou il ramène pas bien les wajibat. Yufarritu fil wajibat. Et celui qui délaisse les obligations dans la prière, il faut différencier entre les obligations et les piliers. Eh bien, les obligations, celui qui les délaisse, amdan, c'est-à-dire par consentement, eh bien, sa prière est nulle aussi. Donc, c'est pour ça, mes très chers frères, que le fait de faire toutes les conditions n'implique pas automatiquement que l'action est bonne et que l'action sera là. Donc, mes très chers frères, il y a le consensus chez tous les savants que la purification qu'on a citée rituelle est une condition dans l'authenticité de la prière. Et ce consensus a été rapporté par l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Et il y a un deuxième consensus. Vous avez vu, on cite deux consensus qui ont été cités par l'imam Nawawi rahimahullah. Le premier, c'est que la prière ne peut être bonne qu'avec les... Avec quoi? Avec les conditions, avec la purification. Avec la purification. Le deuxième consensus qu'il a cité, rahimahullah, c'est que la prière est interdite pour celui qui n'a pas les ablutions. Elle est haram. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne qui n'a pas les ablutions, il est interdit pour lui de prier. Bien sûr, nous parlons dans le cas général. Nous reviendrons sur les cas pas généraux, yani, les cas particuliers. Dans le cas où personne, il est faqada at-taharatayn. Par exemple, une personne, il est emprisonné. Il n'a ni de l'eau, il n'a ni de al-badal qui est at-tayammum de la terre pour faire les ablutions. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien, lui. Eh bien, lui, les savants ont dit qu'est-ce qu'il doit faire. Mais nous ne parlons pas de ce cas-là, nous parlons en général. Donc, en général, la personne, il y a le consensus que la personne qui veut faire la prière, il doit avoir les ablutions. Il y a consensus aussi sur l'interdiction de la prière pour celui qui n'a pas les ablutions. Donc la personne qui fait la prière sans ablution, eh bien il est de plusieurs catégories. La personne qui prie sans ablution, elle peut être de plusieurs catégories. La première catégorie, c'est que la personne va faire la prière sans ablution du tout. Eh bien celui-là, sa prière est nulle. Ça, il n'y a pas de divergence entre les savants et entre les musulmans même. C'est un ijma' de al-muslimin que sa prière est nulle. Mais les savants, ils ont divergé sur son kufr, sur sa mécréance. Est-ce que c'est une personne qui sort de l'islam ou non? Yani, c'est-à-dire celui qui prie plein de fois sans les ablutions. Yani, il ne fait jamais les ablutions, il vient et prie. On parle bien sûr de quelqu'un qui est net. On ne parle pas de quelqu'un qui est les oiseaux. On parle de quelqu'un qui est normal. Donc, est-ce qu'il mécroit ou non? La majorité des savants ont dit qu'il ne sortait pas de l'islam par cette action. C'est-à-dire le fait de prier sans les ablutions. Mais l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit « yakfur li tala'ubihi » car il a dit qu'il mécroit, il sort de l'islam parce qu'il s'amuse. Vous comprenez, quelqu'un qui vient et qui prie sans les ablutions, c'est comme si c'était quelqu'un qui se moque ou qui s'amuse. À la kulli hal, la majorité des savants considèrent qu'il n'est pas mécréant. Il cite l'imam Nawawi rahimahullah. Il dit لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. Il dit, s'il prie sans abulsion, sans excuse, il est pécheur. Il n'est pas mécréant pour nous, yani pour l'imam Nawawi et Shafi'iyya, et chez la majorité des savants. Il a été rapporté de Abu Hanifa qu'il est mécréant car il s'amuse. Donc ceci est un jugement qu'il faut savoir. Car des fois les gens, ils s'amusent avec la prière. Et celui qui s'amuse avec la prière, eh bien il est dans un danger évident. Deuxième personne, c'est une personne qui a prié sans les ablutions, mais par oubli ou bien par ignorance. C'est-à-dire il a zappé qu'il n'était pas sans ablution. Eh bien celui-là, sa prière est nulle aussi. Et il est obligatoire sur lui de refaire sa prière, même s'il y a une période longue qui est passée. Même si c'est-à-dire, par exemple, moi aujourd'hui, je suis venu, j'ai prié le Maghrib. Et j'ai prié sans les ablutions. Yani, j'ai oublié de faire mes ablutions. J'ai prié. Puis, le temps il est passé. Le temps il est passé un jour, deux jours. Et je me suis rappelé que en fait, j'avais pas les ablutions à le Maghrib. De tel jour. Eh bien, il est obligatoire pour moi de refaire ma prière à ce moment-là. C'est-à-dire de prier lorsque je m'en rappelle. Et si nous le verrons en détail, Inch'Allah, quand nous arriverons à ce moment, au moment. Troisième cas, c'est une personne qui prie, qui a les ablutions, qui a toutes les conditions, mais qui a annulé ses ablutions « athna al-fi'l ».« Athna al-fi'l ». C'est-à-dire que lui, il est en prière, il a annulé ses ablutions pendant la prière. Eh bien, celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, sa prière est nulle. Et il doit refaire aussi, il est dans le même cas que celui qui le précède. Il est dans le même cas que celui qui le précède. C'est-à-dire qu'il doit refaire sa prière. Donc il faut savoir, mes très chers frères, qu'il n'y a pas de différence entre les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Il n'y a pas de différence entre les prières obligatoires et les prières surérogatoires sur ce jugement-là. والأصل التسوية بين الفرائض والنوافل إلا فيما جاء فيه الدليل. Donc la base du hukm, c'est que tout ce qu'on fait dans la prière obligatoire, on ne peut le faire dans la prière surérogatoire, sauf ce qui prouve le contraire. Comme par exemple, qui a un exemple? Non. Par exemple, le fait de prier assis. Tu as le droit de prier assis en nawafil, mutlaqan. C'est-à-dire que tu viens et tu pries assis en nawafil. Mais est-ce que tu as le droit de prier assis le fara'id? Yani, on parle de la personne qui est en bonne santé, etc. On parle pas des cas particuliers. Eh bien, tu n'as pas le droit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on n'avait pas le droit de prier assis. Plutôt qu'on avait le droit de prier assis, sauf al-maktoub, sauf les prières qui sont obligatoires. Donc la personne, et moi je m'étonne, subhanallah, des fois je vois des gens, ils font les prières obligatoires assis, et font les prières surérogatoires debout. Ajib, il fait l'axe du din, lui. C'est-à-dire tu fais les obligatoires assis, tu t'assois dans la prière obligatoire, et tu fais les prières surérogatoires debout. Sans t'asseoir. Donc, c'est le contraire, normalement. Et la personne qui peut faire la prière obligatoire debout, il ne doit pas la faire assis. Donc, la base, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la prière qui est obligatoire et surérogatoire, sauf s'il y a une preuve qui différencie entre les deux. Il y a un khilaf entre les savants sur la prière de l'janaza. Est-ce que on doit faire les ablutions pour la prière de l'janaza? Ça, on le verra aussi, inshallah ta'ala, quand on arrivera dans cette porte. As-sahih, c'est que salat al-janaza, c'est une prière comme les autres prières. Et qu'il est obligatoire de faire les ablutions pour cette prière. Donc il dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, فمنها الطهارة كما نادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه. Puis il dit فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. Il dit, regardez ce qu'on vient de dire, il le dit le cheikh en une phrase. Nous on a pris une demi-heure, mais lui l'a dit dans une phrase. Il dit, et celui qui ne se purifie pas de l'hadath, c'est-à-dire de ce qui annule les ablutions grandes ou petites, ou qu'il ne purifie pas, c'est-à-dire l'endroit, le vêtement et la personne, eh bien, il n'a pas de prière. Eh bien, il n'a pas de prière. Taïb. Maintenant, on va passer, vous voyez qu'on est passé, on a parlé de celui qui priait sans les ablutions, on a cité les trois cas. Dans les trois cas, la personne, il annule sa prière et il doit la refaire. Taïeb. Maintenant, on a vu que At-Tahara, c'est-à-dire la purification, était de deux catégories. Soit Raf'ul Hadath, ou Izalatul Khabath. Mais on va donner les cas des personnes qui font la prière avec quoi ? Avec une impureté. Avec une impureté. Donc, il y a plusieurs cas aussi. Le premier cas, c'est quelqu'un qui a une impureté, par exemple, sur son vêtement, ou sur son endroit, ou sur son corps, et qui va faire la prière en toute conscience, yani. Il sait qu'il a une impureté, mais il prie. Eh bien, lui, sa prière est annulée. Sa prière est nulle. Il est obligé. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit enlever l'impureté qu'il a sur le corps, ou sur le vêtement, ou sur l'endroit, et il doit refaire sa prière. Il doit refaire sa prière. En ce qui concerne celui qui est ignorant ou qui l'a oublié qu'il avait une impureté sur lui, eh bien celui-là, il ne doit pas. Il y a une divergence, mais l'avis le plus prépondérant et le plus solide, c'est qu'il ne doit pas refaire sa prière et que sa prière est bonne. Vous comprenez ? S'il avait une saleté sur lui et qu'il a pris, il l'a oublié ou il l'a ignoré. Et il a prié, eh bien sa prière est bonne. Il ne doit pas la refaire. Et ceci est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mais que vaut l'avis d'un cheikh s'il n'y a pas de preuve ? Eh bien la preuve, c'est la preuve que nous avons citée précédemment. Le hadith qui est rapporté par Abi Daoud. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait quand il avait l'impureté sur ses chaussures ? Hein ? Il a enlevé les chaussures. Mais est-ce qu'on lui a ordonné de refaire la prière ? De recommencer du début ? Non ! Tout ce qu'il avait fait alors qu'il avait ses claquettes qui étaient impures, eh bien il ne l'a pas recommencé. Eh bien ceci est une preuve évidente que celui qui a une impureté, qui l'a ignorée ou qui l'a oubliée, eh bien que sa prière est bonne. Si il ne s'en est pas rendu compte qu'après salam. Dans le cas où il s'en rend compte avant le salam, et ceci est un cas aussi qui est plausible, c'est-à-dire que la personne, il va commencer dans sa prière, puis il va se rendre compte que sur son kamis, il y a une impureté, ou sur son pantalon, il y a une impureté, ou bien sur sa imama, on va dire, il y a une impureté, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit enlever cette impureté. C'est-à-dire qu'il enlève son pantalon ou bien il enlève son sa imama, il enlève son kamis, même pendant la prière. Et il continue sa prière. Il n'arrête pas la prière. Et si il a la capacité d'enlever cette impureté sans sortir de la prière. Vous comprenez ? Donc il enlève comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Daoud. Il a enlevé ses claquettes et il a continué sa prière. Alayhi as-salatu wassalam. Donc, mes très chers frères, on a vu clairement, maintenant, premièrement, que la purification fait partie intégrante. Et c'est une condition essentielle dans la prière. Celui qui ne ramène pas la purification, il n'a pas de purification, il n'a pas de prière. Et on a dit que c'était de deux catégories, soit la morale qui est en rapport avec le cœur, soit la physique qui est en rapport avec le corps, qu'on doit purifier le corps. Donc c'est aussi le fait de purifier le corps en levant ce qualificatif qui empêche de faire la prière ou d'enlever l'impureté en elle-même, c'est-à-dire enlever l'impureté elle-même. Donc il dit, l'imam rahimahullah, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, vous verrez dans le kitab que il y a écrit Babu al-Miyah. C'est ça ou c'est pas ça? Babu al-Miyah, c'est-à-dire la porte de des eaux, la porte des eaux. L'imam rahimahullah ta'ala, c'est pas lui, je répète, qui a mis les titres. C'est pas lui qui a mis les titres. Lui, il a dit direct, wa at-taharatu naw'an. Il a dit direct, وَالطَّهَارَةُ نَوْعَانَ. Et ceci est une autre découpe. C'est une autre découpe de la purification. Taïb, nous on a vu une découpe de la purification qui est en rapport avec quoi? Qui est en rapport avec la purification elle-même. Taïb, on a dit qu'il y a une purification morale et une purification physique. Après, dans la purification physique, il y a le fait de lever ce qualificatif qui empêche de faire la prière. Et il y a le fait de purifier le vêtement. Là, il nous donne une autre découpe. Mais cette découpe-là, elle est en rapport avec quoi? Elle n'est plus en rapport avec l'action elle-même. Elle est en rapport avec la chose qui va être utilisée pour se purifier. C'est pour ça qu'il dit que taharatu naw'an. C'est-à-dire que tu vas te purifier avec... Tu peux te purifier avec deux choses. C'est ça que ça veut dire. Imma bilma ou bibadalih. Ou bien ce qui va le remplacer. Soit tu vas te purifier avec l'eau, soit tu vas te purifier avec ce qui va remplacer l'eau. Donc dans ce cas-là, nous sommes obligés d'expliquer en gros Babul Miyah, ce qui est en rapport avec l'eau. Il faut savoir que ce qui est en rapport avec l'eau, c'est que la majorité des savants considèrent qu'il y a trois sortes d'eau différentes. Il y a l'eau qui est pure. Al-ma ou al-mutlaq. C'est-à-dire l'eau qui est pure. C'est l'eau pure, celle que tu bois, que tu manges, celle avec laquelle tu fais la purification. Il y a, ça c'est pour la majorité des savants, je parle. Il y a al-ma al-tahir, c'est-à-dire c'est l'eau pure. C'est une eau qui la tarfa'u, c'est une eau qui ne lève pas le wasf, qui ne lève pas الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة. C'est une eau pure, mais c'est pas une eau que tu peux utiliser pour les ablutions. Tu peux l'utiliser chez certains savants pour refaire les ablutions, mais pas pour te purifier ابتداءً. Et il y a l'eau qui est najis, l'eau qui est impure. Mais la réalité, mes très chers frères, c'est que l'eau est de deux catégories seulement. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres. C'est qu'il y a l'eau qui est pure, celle que tu utilises pour te purifier normalement, faire les ablutions, et l'eau qui est impure. C'est-à-dire l'eau qui a été mélangée à une impureté qui a soit changé sa couleur, soit changé son odeur, soit changé son goût. À partir de ce moment-là, cette eau est considérée comme étant une eau impure, que tu ne peux pas utiliser dans tes ablutions. Mais est-ce que nous pouvons dire que, par exemple, une eau qui est mélangée, par exemple, une eau qui est mélangée à autre chose, et alladhi yutlaqu alayhi ismul ma, c'est-à-dire que c'est une eau qui est mélangée, mais sur laquelle nous disons, lorsque nous la voyons, que c'est de l'eau. Je donne un exemple. Par exemple, tu as une petite bassine chez toi où il y a un peu de savon qui est tombé dans de l'eau, ce qui a donné un petit changement dans l'eau. Est-ce que cette eau-là, on ne l'appelle plus de l'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? يطلق عليها اسم الماء. يطلق عليها اسم الماء. وإن كان فيها قليل من الصابون. Même s'il y a un tout petit peu de savon dedans, cette eau-là, on la considère comme étant de l'eau. À ce moment-là, les savants, ils disent « Madama annahu yutlaqu alayha ismul ma, fayutawadda'u biha. » À partir du moment où on considère que cette eau est toujours de l'eau, eh bien, nous pouvons l'utiliser comme purification. Maintenant, on donne un autre exemple. Si la personne, il a de l'eau, et il a rajouté, par exemple, ce qu'on appelle « ma'ul ward », c'est-à-dire l'eau de fleurs, d'oranger là. Tout le monde connaît ça. Est-ce que cela nous pouvons l'utiliser comme ablution? Pourtant c'est de l'eau. Est-ce que nous pouvons l'utiliser pour faire les ablutions? Non. لِأَنَّهُ ضِفَتْ إِلَى شَيْءٍ آخَرٍ. C'est-à-dire qu'elle est liée à autre chose. فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ إِضَافَةٌ فَلَا يُسْتَعْمَلْ هَذَا الْمَاءِ. Lorsque nous, l'eau est liée à autre chose, comme ماء الورد, l'eau de fleur, ماء زعفران, l'eau de زعفران, eh bien nous ne pouvons pas l'utiliser comme ablution, malgré que c'est de l'eau qui est pure, et que nous pouvons la boire. Vous comprenez? Mais tu ne l'utilises pas pour les ablutions, car elle est liée, accrochée à autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'eau qui n'est الذي لا يطلق عليه اسم الماء. C'est-à-dire que nous, lorsque nous parlons de cette chose-là, nous ne l'appelons pas de l'eau, mais nous l'appelons avec un qualificatif autre. Vous comprenez? Donc cette eau-là, on ne se purifie pas, on ne se purifie pas avec. Donc la preuve, mes frères, il dit أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. Il a dit la purification de deux catégories. En visant par sa parole, non pas l'action, mais en visant la chose qui est utilisée pour se purifier. Donc il a dit l'eau, c'est la base. يعني c'est l'asl fi l'eau. La base quand tu fais tes ablutions, c'est pas que tu utilises de la terre ou du sable, tayammum, mais c'est quoi? C'est que tu utilises de l'eau. C'est que tu utilises de l'eau. Donc Allah Azza wa Jalla, il a dit أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Il a dit le long verset là sur la purification jusqu'à ce qu'il ait dit subhanahu wa ta'ala, ou que vous ayez touché les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau. Ça veut dire que c'est ça la preuve qui nous prouve que la base dans la purification, c'est l'utilisation de l'eau. Donc la personne à la base, elle doit utiliser de l'eau et non pas utiliser al-badal, c'est-à-dire la chose qui est un remplacement de la base. Et cela, al-badal est utilisé dans certains cas et non pas à la base. Vous comprenez? Il est utilisé dans certains cas et non pas à la base. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, comme on a dit, أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Des fois, il y a des gens, eh bien, ils font tayammum alors qu'ils peuvent faire les ablutions avec de l'eau. Et alors que le temps, il n'est pas rentré, rien du tout, il fait tayammum et va prier. Sa prière est nulle. Car الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. La base dans la purification, c'est qu'elle soit avec de l'eau et non pas avec le badal. Et non pas avec le remplaçant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam, et ceci est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad et d'autres, dans le sunan, إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٍ. Il a dit l'eau est pure, rien ne peut l'altérer. Rien ne peut l'altérer dans sa pureté. C'est-à-dire que l'eau, l'aslu fil ma, c'est qu'elle est pure. La base dans le jugement de l'eau, c'est qu'elle est pure l'eau, et non pas le contraire. Lorsque tu vas faire les ablutions, tu vois l'eau, elle est propre, tu fais les ablutions directement. Al-aslu fiha at-tahara wa at-tahuriyya. La base dedans, c'est qu'elle est pure. Tu vas pas l'emmener prendre une pipette et l'emmener à l'analyse pour voir s'il n'y a pas une goutte d'urine ou quoi. Non, tu fais tes ablutions normalement, car la base dans l'eau, c'est que elle est pure et que les gens peuvent l'utiliser. Il dit Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala, أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت طعما أو لونا أو ريحا أنه ناجس ما دام كذلك. الجي que les savants sont unanimes sur le fait que l'eau, qu'elle soit beaucoup ou peu, si elle a été altérée dans son odeur, ou dans sa couleur, ou dans son goût, et bien qu'elle est impure. Et bien qu'elle est impure. Je vous rappelle qu'il y a un hadith qui a été rapporté, et que ce hadith-là est considéré comme étant un hadith faible, mais que les savants l'utilisent, et que la plupart des savants l'utilisent dans leur parole en ce qui concerne l'eau. Inch'Allah ta'ala, je pense que nous allons nous arrêter ici, car ça fait, alhamdoulilah, une heure. Comme ça, c'est pas trop, Inch'Allah ta'ala, et on continuera dimanche, Inch'Allah, le fiqh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين